fumée, c'est moi qui pars en volute, jeté, l'ordure m'entraîne dans sa chute. Aimée, elle n'embrasse que du vide, plongée, l'eau ne prend pas une ride, la vie me pèse, la la la la, me pèse, la la la la. Je refuse net, elle sourit, je souris, et j'accepte, je vais partir. Elle soupire, je peste, je reste. Le matin au saut du lit, cette fois c'est pour aujourd'hui, je vais leur tordre le cou, je bois des coups, la vie me pèse, me pèse, la la la la. Sourire, j'ai peur qu'elle ne se méprenne. Mourir, ma mère aurait trop de peine. Gravir, je m'arrête avant la cime. Écrire, je m'arrête avant la rime. La vie me pèse, la la la la. Me pèse, la la la la. Si tu t'ennuies, eh bien quitte-moi. Elle me remercie, elle s'en va. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Elle me le dit, j'ai compris. Le matin au saut du lit, la vie commence aujourd'hui. Je cesse de boire des coups, je bois des coups. La vie me pèse, la la la la. Me pèse, la la la la.